Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la compagnie de la baie d'Hudson. Le rôle de la baie d'Hudson a été tel que les Esquimaux ont toujours cru que la baie d'Hudson était un pays. Les chèques de pension de vieillesse et tout ça passaient par la baie d'Hudson. Le gouvernement payait ses employés par la baie d'Hudson. La baie d'Hudson, c'était le... C'est à la fois le bon Dieu et le diable. C'est ça, oui. C'était lui qui dictait le beau temps, etc. La compagnie de la baie d'Hudson prendra une importance considérable au fil du temps, au point de devenir une sorte de gouvernement parallèle dans le nord du pays, comme le dit le père André Steinman dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Le père Steinman qui a été missionnaire dans le Grand Nord québécois pendant plus de 25 ans, entrevue qui remonte à 1963. Comment naît la compagnie de la baie d'Hudson et quelle importance aura cette compagnie dans l'histoire du pays? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette édition d'Aujourd'hui l'Histoire. Si l'argent n'a pas d'odeur, la fourrure n'a pas de patrie. En 1659 et 1660, Groseillers et Radisson poussèrent une pointe, une très longue pointe, vers le nord-ouest. Ils revinrent avec une formidable cargaison de fourrure, mais oublièrent de payer l'impôt sur le produit de la traite. On leur présenta la note plus une amende. 24 000 livres. Pas question de payer. Les autorités françaises étant décidément intraitables, les deux hommes d'affaires se rendirent à Londres, où des oreilles mercantiles et royales se dressèrent au récit de leurs exploits. En 1668, deux navires étaient mis à leur disposition et ils partaient pour la baie d'Hudson. Radisson ne put y parvenir, mais Groseillers en revint avec une belle cargaison de fourrure. Du coup, le 2 mai 1670, une charte était accordée à ces messieurs aventuriers, association qui devint la compagnie de la baie d'Hudson. Le comédien François Roset, qui lit dans cette émission qui date de 1969 un texte résumant les débuts de la compagnie de la baie d'Hudson, pour remonter aux origines de cette célèbre compagnie, le romancier et historien de la Nouvelle-France Martin Fournier, auteur de nombreux livres sur Radisson, coordonnateur également de l'Encyclopédie du patrimoine français. Martin Fournier, bonjour. Bonjour. Dans quelles circonstances naît la compagnie de la baie d'Hudson? Est-ce que c'est à cause d'une affaire d'impôt simplement et seulement à cause d'une affaire d'impôt, comme on vient de l'entendre, ou si c'est plus que ça? Parlez-nous en tout cas des circonstances dans lesquelles naît cette compagnie. Donc, c'est un peu plus compliqué, effectivement. La traite de fourrure, comme on le sait, est essentielle à l'économie de la Nouvelle-France. Et la période où s'illustrent Radisson et Desgroseillers est une période de crise. Donc, les principaux intermédiaires de la traite de fourrure autochtones, ce sont les Hurons, qui sont dispersés par les Iroquois. Il y avait un conflit historique entre les Hurons et les Iroquois. Et pour les Amérindiens, la traite de fourrure à cette époque-là est aussi importante que pour les Français. Et ils viennent dans la colonie forcer le blocus iroquois pour s'approvisionner en marchandises européennes. Et Radisson et Desgroseillers les raccompagnent jusqu'à l'ouest du lac supérieur en 1659-1660, une expédition extrêmement importante. Mm-hmm. Ils ramènent effectivement une très grande quantité de fourrure et renouent le partenariat entre les Amérindiens et les Français. Et à l'époque, il y avait une liberté de la traite. Donc, tout un chacun pouvait s'adonner à la traite de fourrure et en tirer profit. Et le gouverneur, à l'époque, a comme outrepassé ses pouvoirs. Il a imposé des amendes et demandé un impôt plus élevé que ce qui était prévu. Et Desgroseillers a été le seul à se rendre en France pour se plaindre de ça. Mm-hmm. Et, en fait, l'élément crucial, c'est que lors de ce voyage au lac supérieur, Radisson et Desgroseillers se font expliquer qu'ils pourraient faire de la traite de fourrure à la baie d'Hudson, avec les cris. Ouais. Et ce serait beaucoup plus facile et probablement beaucoup moins dangereux parce que le climat le long du Saint-Laurent et des Grands Lacs est extrêmement explosif. Alors, à partir de ce moment-là, c'est le grand projet de ces deux hommes-là d'aller faire la traite à la baie d'Hudson. Et ils n'ont plus confiance dans les autorités françaises qui viennent de leur jouer dans le dos, ni plus ni moins. Alors, Desgroseillers revient en Nouvelle-France avec ce projet-là d'aller à la baie d'Hudson avec un bateau français qui vient de France. Donc, outrepasser les autorités de Nouvelle-France. Mais le projet est éventé et on leur met des bâtons dans les roues. Le projet n'a pas lieu. Mm-hmm. Et à partir de ce moment-là, Radisson et Desgroseilliers se cherchent des partenaires. Et se tournent vers Londres. Ils se tournent d'abord vers la Nouvelle-Angleterre. Il y a des tentatives à partir de Boston. Oui. Et là, ils rencontrent une commission royale d'enquête qui vient d'Angleterre pour enquêter sur les mauvais sujets du roi d'Angleterre qui habite dans les 13 colonies d'Amérique du Nord. Et c'est là qu'ils font la rencontre cruciale avec un des commissaires qui leur promet de les présenter au roi d'Angleterre avec ce projet-là de faire de la traite de fourrure du commerce à la baie d'Hudson. Et c'est comme ça que cette compagnie, c'est quand même inouï quand on y pense, mais on comprend bien avec ce que vous venez de nous raconter, cette compagnie devient une compagnie britannique alors qu'on est en régime français. Tout à fait. En fait, il y a des raisons qui expliquent que ça soit plutôt britannique. Les seuls qui sont capables d'aller en bateau à cette époque-là à la baie d'Hudson, ce sont des Anglais. Alors, à partir de 1610 jusqu'en 1632, vous avez quatre navigateurs qui pénètrent dans la baie d'Hudson, dont Henry Hudson, qui a donné le nom à ce plan d'eau-là. Et donc, il y a cette connaissance-là. Il y a aussi un esprit d'entreprise qui est comme une alliance entre le privé et le public. Oui. Donc, il y a plus d'entrepreneurs qui sont disposés à investir des sommes considérables pour développer des colonies de commerce. Mm-hmm. Et c'est cette rencontre-là qui se produit en Angleterre avec une conjoncture beaucoup plus favorable que ce qui existait en Nouvelle-France ou en France. Deux hommes, donc, on les a déjà évoqués pas mal, qui vont être très, très importants au cœur de la création de la Compagnie de la Baie-du-Hudson, Médard Chouard Desgroseilliers et Pierre Esprit Radisson. Hors des grands remous de l'histoire du Canada, surgit l'incroyable aventure d'un homme qui réussit à vaincre la brousse du Nord américain. Un homme qui misa sur son adresse pour déjouer l'Indien. Un homme qui, avec eux, parmi eux, contre eux, opposa sa ruse à leur ruse. Souffrant et se battant et risquant l'ultime effort de ceux qui jouent le tout pour le tout afin qu'un rêve prenne corps. C'est l'histoire d'un homme aux prises avec le destin. C'est un aventurier, c'est un découvreur. Coureur des bois, trafiquant avec le sauvage, il déchira le voile qui enveloppait le grand Nord-Ouest. Voici Radisson. L'incroyable mais réelle histoire d'un grand pionnier canadien. C'est l'ouverture du téléroman Radisson, présenté en 1957 et 1958, qu'on vient d'entendre. Ça vous fait sourire, Martin Fournier. Parlons de Radisson. Dans ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui appartient à la légende et qu'est-ce qui appartient à la réalité? Alors, ce qui est le plus réel, c'est la connaissance intime des Amérindiens, ouais, de la part de Radisson, donc qui arrive en Nouvelle-France en 1653 et qui se fait enlever par les Iroquois. Et il va passer à peu près 20 mois dans une communauté iroquoise, dans un village iroquoise. Il va être adopté et il va, pour s'intégrer à sa communauté et sauver sa vie, il va mener une vie iroquoise pendant une vingtaine de mois. Et par la suite aussi, il va s'avérer un linguiste, si on peut le dire comme, ouais, ça. Donc, il va parler facilement les langues autochtones, plusieurs langues autochtones. Et dans l'ensemble de ses voyages, il va vivre donc intimement, il va partager la vie des Amérindiens. Et ça va beaucoup faciliter sa capacité de négocier, d'entrer en relation, mm-hmm, commerciale, pour une chose, avec les Amérindiens, mais à l'époque, une alliance commerciale pour les Amérindiens, c'est une alliance totale. Donc, il faut être capable de vivre parmi, ouais, eux, il faut être capable de partager leur vie et leurs valeurs. Et c'est ce que Radisson était capable de faire. Et ils seront évidemment importants, très, très importants, les Amérindiens, dans ce commerce de la fourrure. On va y revenir dans un instant. Un mot sur Groseilliers. Qui est-il? Donc, Desgroseilliers est un habitant de la Nouvelle-France qui est arrivé une bonne dizaine d'années avant Radisson et même une quinzaine d'années avant Radisson. Et il a travaillé pour les Jésuites dans leur relation avec les Hurons en Huronie, donc dans la baie georgienne du lac Huron. Et il va donc lui aussi avoir une connaissance intime des Amérindiens et beaucoup plus d'expérience que Radisson au moment où ils font équipe. Mm-hmm. Alors, Desgroseilliers est celui qui a peut-être plus d'expérience au niveau commercial et plus d'ambition aussi. Il veut réussir selon les critères européens. Et il va être donc le chef des expéditions. Et Radisson va apprendre son métier auprès de Desgroseilliers. et progressivement le remplacer comme chef de mission. Alors, ça va se passer comment au début, leurs activités, ce commerce des fourrures dans cette nouvelle compagnie de la baie du Thon? Alors donc, les enjeux à la baie du Thon sont de deux ordres. D'abord, la relation avec les Amérindiens et ensuite la maîtrise de l'environnement. Alors évidemment, le très long hiver pose des problèmes presque insolubles aux Anglais. Ceux qui ont hiverné, il y en a au moins deux équipages des navires qui ont pénétré à la baie du Thon, qui ont hiverné sur place et qui ont énormément souffert avec beaucoup de mortalité, alors que les habitants de la Nouvelle-France avaient apprivoisé l'hiver. Mmh. Donc quand ils arrivent pour faire le commerce à la baie du Thon avec des équipages anglais, avec des capitaines de navires anglais, eux apportent l'expertise de la façon de s'installer, la façon de passer un hiver sans trop souffrir. Ils peuvent lutter contre le scorbut. Ils sont de bons chasseurs aussi, ce que les Anglais n'avaient pas comme savoir-faire. Alors, ils sont capables d'approvisionner en nourriture fraîche tout au long de l'hiver. Et au niveau des relations, comment établir une relation fructueuse, rapide, efficace avec les Amérindiens? Mmh. C'est Radisson et Desgroseilliers qui ont cette capacité-là. Et ils savent aussi, ils connaissent l'intérêt des Amérindiens pour l'échange fourrure, mmh, marchandises européennes, et ils misent là-dessus tout de suite et ça fonctionne bien. Et quel est le rôle, de fait? C'est les Amérindiens qui courent le monde, si je puis dire, qui partent à la chasse des fourrures. Comment ça se passe de ce côté-là? C'est quoi la relation avec les Amérindiens et quel est le rôle des Amérindiens dans ce commerce? Pas de traite de fourrure sans les Amérindiens, qui sont les chasseurs. Ce sont eux qui vont trapper, ce sont eux qui vont chasser, qui vont apprêter les peaux et qui vont les amener dans les postes de traite fondés par les Européens. Et les Anglais vont développer comme tradition à la baie du Thon de recevoir les fourrures point à la ligne. L'avantage de Radisson et Desgroseilliers pendant les années qu'ils œuvrent à la baie du Thon, c'est d'aller au-devant des Amérindiens, d'aller les rencontrer, d'aller les inciter, mm-hmm, à venir traiter dans les postes de traite anglais. Et donc, ils ont une capacité d'interactivité avec les Amérindiens qui est beaucoup plus grande et qui vont fonder des relations solides et qui vont créer des habitudes. Les Amérindiens vont prendre l'habitude de venir dans les postes de traite, mm-hmm, des Anglais à la baie du Thon. Et pendant presque un siècle, les Anglais vont demeurer sur les rives de la baie du Thon. Ouais. Ils ne pénétreront pas à l'intérieur du continent. Ils n'en ont pas besoin. Qu'est-ce qu'on chasse? Qu'est-ce qui est populaire, entre autres, à la cour française et dans le continent européen? Qui achète ces fourrures? Qu'est-ce qu'on cherche? En fait, la fourrure comme telle n'est pas le principal marché. Quand on pense à l'investissement considérable qu'il faut faire pour aller chercher des fourrures à la baie du Thon, les navires, les salaires, les installations permanentes, etc., ça prend une ampleur considérable pour rentabiliser tout ça. Et le commerce principal, c'est la fourrure de castor, dont on tire de la fourrure intérieure. Il y a les longs poils extérieurs et la petite fourrure très dense qui protège l'animal du froid. Et à partir de cette fourrure-là interne, on produit un feutre de très grande qualité et qui sert dans l'industrie du chapeau. Mm-hmm. C'est le chapeau de feutre qui, lui, est porté par tous les aristocrates et tous les bourgeois pendant très longtemps. C'est vraiment la grande mode en Europe. Et c'est ça le principal marché. C'est le principal marché. Le feutre. Exactement. C'est ça qu'on cherche. Exactement, c'est le feutre. Ouais. Et les autres fourrures sont des produits complémentaires, ouais, qui sont plus ou moins exploités selon les époques. Alors que la fourrure de castor va toujours demeurer un classique, mm-hmm, la base du commerce de la fourrure. Et ce sera un commerce florissant tant et si bien qu'on va se battre sur le terrain pour contrôler ce commerce-là en deux périodes. On viendra dans un instant à la période de l'après-conquête, mais déjà sous le régime français, sa bataille dure là, pour contrôler ce commerce-là. Oui, comme je le disais tout à l'heure, le commerce de la fourrure est essentiel à la survie même de la Nouvelle-France pendant presque la totalité de cette période-là. Et donc, le fait de perdre un marché qui était convoité par les Français de la Nouvelle-France depuis longtemps. Tout le monde voulait se rendre à la baie du Thon, mais on trouvait pas le chemin pour y aller. Et quand les Anglais y arrivent en premier, il y a une grosse déception en Nouvelle-France et une convoitise. Et les premiers qui vont jouer de la concurrence pour la Nouvelle-France, c'est Radisson et Desgroseilliers, mm-hmm, qui sont évincés de la compagnie de la baie du Thon en 1675. Et là, ils retournent en France et ils ont comme objectif d'aller fonder un poste de traite à la rivière Nelson. Jusqu'à maintenant, c'était la baie James qui était occupée. sur la rive ouest de la baie d'Hudson, ça deviendra le principal poste de traite de fourrure, Fort Nelson ou Fort Bourbon pour les Français. Et à partir de 1682, Radisson est là pour le compte des Français. Ah bon? En même temps qu'un navire de la Compagnie de la baie d'Hudson. Et la rivalité s'instaure dès ce moment-là. Et il va y avoir Pierre Lemoyne d'Iberville qui va jouer un rôle extrêmement important à la fois dans les postes de la baie James et pour reprendre aux Anglais le poste de la rivière Nelson. Et tout ça se joue entre 1682 et 1713. Alors, ça passe aux Anglais, aux Français, aux Anglais, aux Français. Et en 1713, avec le traité d'Utrecht, la France cède définitivement la totalité de la baie d'Hudson à l'Angleterre. Mais il y aura, ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a une deuxième grande période de rivalité qui viendra après la conquête, parce qu'entre autres, on créera vraiment une compagnie concurrente à la compagnie de la baie d'Hudson, qui est la compagnie du Nord-Ouest. Qu'est-ce que c'est que cette compagnie et pourquoi elle est créée? Alors, avant la conquête, la rivalité entre les Français et les Anglais se poursuit. Donc, les Français vont sur les rivières qui se jettent dans la baie d'Hudson pour essayer d'intercepter les Amérindiens avant qu'ils se rendent au poste anglais. Et après la conquête, les Anglais, et particulièrement les Écossais, se rendent compte qu'il y a un savoir-faire à Montréal et qu'on peut relancer la traite de fourrure en claquant des doigts. Le savoir-faire est là, les habitudes sont là, les contacts sont là. Et donc, on se met immédiatement à faire de la traite de fourrure. Et des petites compagnies isolées finissent par fusionner dans une très grande compagnie puissante, la Compagnie du Nord-Ouest, qui, elle, va essayer de conquérir ou de développer le marché toujours plus loin à l'ouest et au nord. Et à un moment donné, elle s'étend sur tout le Canada actuel. Parce qu'ils ont une stratégie qui est complètement différente de celle de la Compagnie de la baie d'Hudson, les gens de la Compagnie du Nord-Ouest. On écoute là-dessus l'historien Luc Côté de Saint-Boniface qui nous parle très clairement de ces deux stratégies différentes à l'émission Les Affaires et la Vie en 1996. Et là, les deux compagnies ont des stratégies très différentes. Jusque là, la Compagnie de la baie d'Hudson s'est surtout contentée d'établir des postes de traite le long des rives de la baie En fait, les navires arrivent... On a fait quelques bâtiments pour ça. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend contact avec les Amérindiens et on les encourage. En fait, ils vont être motivés avec les produits à annuellement venir se rendre jusqu'au poste de traite et échanger les fourrures. Pour les gens de la Compagnie du Nord-Ouest, la stratégie est différente. C'est d'entrer à l'intérieur des terres du territoire et se rendre directement auprès des tribus amérindiennes et négocier, faire l'échange de marchandises pour les fourrures. Alors, qui gagnera cette fameuse guerre commerciale, Martin Fournier? Alors, la Compagnie du Nord-Ouest est extrêmement agressive et occupe la totalité du territoire du Canada actuel, à l'exception de Des Rocheuses et de l'Ouest Des Rocheuses. Enfin, c'est assez long. Et la Compagnie de la baie d'Hudson va devoir réagir puisque elle reçoit des fourrures de ce territoire-là par le réseau hydrographique qui se jette dans la baie d'Hudson. Alors, la Compagnie de la baie d'Hudson se voit contrainte d'adopter la même stratégie que la Compagnie du Nord-Ouest. Donc, elle pénètre au 19e siècle, 18e et 19e siècle, elle pénètre sur le même territoire. Et là, c'est la rivalité des fois sur un versant d'une rivière, il y a un poste de traite de la Compagnie du Nord-Ouest et sur l'autre versant, juste en face, un poste de traite de la Compagnie de la baie d'Hudson. On se livre une concurrence sur les prix, on donne des cadeaux en alcool, il y a du vol de fourrure, il y a des affrontements armés et à un moment donné, c'est l'ensemble du commerce qui est menacé puisque là, ça coûte trop cher et il y a des pertes en vie humaine, des pertes en marchandises, etc. Et donc, on va finir par fusionner. Les deux compagnies se rendent compte que la solution ultime, c'est de fusionner et d'avoir une seule grande compagnie. Et ce sera la compagnie de la baie d'Hudson. Qui va devenir, on revient un petit peu au tout début de l'émission, une compagnie très, très puissante, une espèce de gouvernement parallèle qui contrôle un territoire gigantesque et qui va petit à petit, au fond, déjà s'éloigner un peu de la fourrure pour devenir tout simplement une espèce de marchand général qui va accompagner dans l'Ouest surtout, Martin Fournier, mais le peuplement de ce territoire très, très, très grand. En fait, les affaires de la Compagnie de la baie d'Hudson se diversifient et sur la base toujours du commerce de fourrure, mais ce grand territoire-là qui correspond à toutes les provinces canadiennes à partir du Manitoba jusqu'au Pacifique et les territoires du Nord-Ouest et Yukon et même une partie des États-Unis, l'Oregon par exemple, et ils avaient même Hawaï, les îles Sandwich. Alors donc cet immense territoire-là est un vecteur commercial puissant. Et la compagnie va diversifier ses opérations sur la base du commerce. Donc, ils vont devenir des fournisseurs généraux sur cet immense territoire-là. Mais elle n'a pas de mandat de colonisation. Donc, le peuplement est très lent. C'est un peuplement, disons, de seconde importance. Alors, c'est la colonie du Canada, à l'époque, qui est encore avant 1867, qui pense que ce territoire-là lui revient en termes de peuplement. Et on a les preuves que ce territoire-là peut être cultivé, qu'on peut installer des colons qui vont vivre de l'agriculture. Et là, il commence à y avoir des discussions entre la Compagnie de la Baie-du-Son et le Canada pour céder ce territoire-là à un véritable gouvernement qui a des responsabilités de peuplement et de gestion de la population. Ce qui sera fait en 1869, la compagnie vendra les terres de Rupert à l'État canadien. La Compagnie de la Baie-du-Son a décidé en janvier de se retirer du commerce de la fourrure, qui ne représentait plus qu'une faible part de ses bénéfices. C'est la fin de 320 ans d'histoire. Les artisans du milieu de la fourrure n'apprécient pas que la Baie-du-Son n'ait regardé que les colonnes de chiffres pour prendre sa décision, car ils estiment qu'il s'agit d'un symbole et non d'une compagnie ordinaire, nous dit Lucien Lompré, marchand de fourrure depuis 43 ans, rue Meilleur, dans le centre-ville de Montréal, dans un quartier reconnu comme le plus grand centre de la fourrure au monde. Nous, les marchands de fourrure, on nous a écrit une lettre comme quoi, depuis 300 ans, qui ont contrôlé la fourrure, ils ont vendu des pots, ils ont tenu des encans, les magasins La Baie, ils ont vendu la fourrure. Alors, on n'approuve pas ça. Ces marchands condamnent la démission de la Compagnie de la Baie-du-Son alors que tous traversent une période difficile. La valeur des fourrures a diminué de plus de 40 % par rapport à 87. On parle d'une baisse de 50 % du nombre d'animaux trappés, de la disparition de centaines d'emplois reliés à la fourrure à Montréal. Et Céline Pagé à Montréal. Que signifie, Martin Fournier, cette décision de la Compagnie de la Baie-du-Son de se retirer du commerce de la fourrure? En fait, il y a la question de la fourrure synthétique, il y a la question des territoires, certains des territoires qui sont moins propices à la trappe. Mais évidemment, la Compagnie de la Baie-du-Son était toujours active dans ce domaine-là, dans le Nord, où il y a encore des animaux à fourrure et il y a encore beaucoup de place pour trapper. Et comme le disait la journaliste, c'est une question de rendement. Oui. C'est-à-dire que cet aspect-là de la compagnie, une compagnie de commerce qui était encore dans la fourrure, devient beaucoup moins important et attrayant pour une compagnie qui cherche à optimiser ses rendements. Donc, c'est une décision d'affaires et on peut peut-être comprendre cette stratégie-là dans un contexte d'une compagnie qui cherche à optimiser ces choses. Mais le volet fourrure, donc, est relégué à d'autres compagnies, d'autres commerçants. Et cette longue tradition de la Compagnie de la Baie-du-Son avec la fourrure se termine donc en 1991. C'est la fin d'un grand chapitre. Martin Fournier, historien de la Nouvelle-France, professeur d'histoire à l'Université Laval, merci de votre participation à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.